بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس التاسع عشر. 19e درس. في السؤال الخامس وتسعين. 95e question. أيهما أكثر أسماء الله أم صفاته؟ Qu'est-ce qui sont les plus nombreux? Que sont les plus nombreux? Est-ce que ces noms sont plus nombreux que ses attributs, c'est-à-dire les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? قال في جواب صفاته أكثر لأن كل اسم يشتق منه صفة وليس العكس. Donc on dit que ses attributs sont plus nombreux que ses noms. Et cela, c'est des choses qu'on prend dans les doulous de Al-Qawaid al-Musla, les règles exemplaires de Cheikh Al-Faymin, dans lesquelles il explique comment déduire les noms, comment déduire les attributs, et ainsi de suite. D'accord? Donc, les attributs d'Allah Azzawajal sont plus nombreux que ses noms. Car chaque nom, on en extrait l'attribut qui va avec, et non pas le contraire. Par exemple, Allah Azzawajal, parmi ses noms, Ar-Rahim. Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, on en extrait l'attribut de Ar-Rahma, la miséricorde. Donc chaque nom, on en extrait forcément un attribut. Mais on a des attributs d'Allah Azzawajal, on n'en déduit pas forcément un nom. Et tout comme Bab al-Akhbar, le fait d'informer de choses par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, cela est plus nombreux également que ses attributs. C'est plus large. Donc le Bab des informations est très large. Ensuite, le bab des sifat, des attributs, est un peu moins large que celui des akhbar. Et celui des noms est encore moins large que celui des attributs. Et ainsi de suite. والدليل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. Dit l'eau, si jamais la mer était de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si on venait avec son équivalent en encre. Ça, c'est dans Surat Al-Kahf, verset 109. Pour dire que les paroles d'Allah sont très nombreuses. ثم قال في السؤال السادس وتسعين اذكر عشرا من صفاته. Il dit cite 10 parmi ses attributs, qui également sont très nombreux et on ne les connaît pas tous. Ar-Rahma, la miséricorde. Al-Ilm, le savoir. Al-Qudra, la compétence, la capacité. Al-Izza, la puissance. Al-Kibr, la grandeur. Et également, ça peut être traduit par l'orgueil. Al-Haymana, c'est la domination. Al-Khalq, c'est la création. Al-Sam, l'ouïe. Al-Basar, la vue. Al-Irada, la volonté. Et bien sûr, ces attributs-là sont trouvés chez la créature à leur échelle, à l'échelle humaine pour l'être humain ou les animaux, ainsi de suite, et celles d'Allah Azzawajal ne sont pas comparables. Le mot est commun, le sens est connu, l'hymen, on doit en avoir la foi, et le fait d'interroger du comment de ces attributs, cela est une innovation, comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Qala fi suwal as-sabi'a wa tis'in. 97e question. Ma'adha yusamma sifatullah. Comment sont nommés ses attributs? Yusamma bi sifatuhu al-ulia. Ses attributs les plus hauts. Ses attributs les plus hauts. Comme on l'avait dit, pour le nom d'Allah, c'est les noms les plus beaux. Ses sifats sont les attributs les plus beaux. Wa dalil qawlu ta'ala walahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard. Et qu'il a l'exemple le plus haut, c'est-à-dire parmi les meilleurs attributs. Dans les cieux et la terre. À Rome, verset 27. Faqala ta'ala, wa lillahi al-mathalu al-a'la, et que Allah a le meilleur exemple, les meilleurs attributs. An-Nahl, les abeilles, verset 60. Qala fi suwal at-tasi' wa ath-thamin wa tis'in, man humu alladhina qalu yadullah maghloula wa bimadha radallahu alayhim. Qui sont ceux qui ont osé dire que la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire que Allah est avare. Et par quoi Allah leur a répondu? Qala fi jawab humul yahoud, ils sont les juifs. Wa radallahu alayhim bi qawlihi wa qalat al yahud yadullah maghloula ghullat aydihim bi wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Dans le sens où Allah a dit que les juifs ont dit la main d'Allah est fermée. Leurs mains ont été fermées par la suite pour ce qu'ils ont dit, ils ont été maudits. Alors que ses mains sont grandes ouvertes. Al-Maïda, table de sa vie, verset 74. Allah ou Al-Karim ou Al-Jawad, parmi, ou plutôt Al-Jawad, il y a un khilaf par rapport à ce nom-là. Le Karim, que Allah ou Al-Rani, il donne sans compter. Combien sont venus par rapport à Adilé par rapport à ça? Comment dire que les mains d'Allah sont fermées? Bel, Kaalou. Kaalou, Allah ou Al-Fakir ou Nahnu Arniya, que Allah il est pauvre, c'est nous qui sommes riches. Et ça, ça vient de la parole des juifs. Et il est connu, on va dire unanimement parlant, chez les humains, que les juifs sont des avares, des gens avares. Regardez le résultat. Ils ont osé, et là on peut le dire, c'est une insulte, de dire cela envers leur Seigneur. Résultat, cela s'est appliqué sur eux et en plus ils ont été maudits. Regardez les juifs, ils sont connus, les juifs, ce sont des gens avares. C'est connu. Ça se dit souvent chez nous en français, radin comme un juif. Et c'est pas un mensonge. Bon, là que c'est pas un mensonge. Les juifs sont des gens avares. Et s'ils te donnent 10, c'est que derrière, ils peuvent recevoir 100 ou 1000. Il y a un profit derrière. Maintenant, est-ce que parmi eux, certains peuvent être généreux? Cela est possible. Là, on parle du djins des juifs, dans leur ensemble. Et on parle des juifs, on parle pas de gens qui s'attribuent, qui s'affilient à eux, sous prétexte que son père était juif, ou plutôt sa mère était juive, et il s'appelle, je ne sais comment, on parle d'un juif au sens propre du terme. Parmi ceux qui appliquent leur religion. Ce n'est pas tout juif qui est pris en compte, car des gens, aujourd'hui, ils ont fait le judaïsme, les gens, ils en ont fait une race. Toute personne qui rentre dans telle caractéristique, ils vont dire que c'est un juif. Tout comme avec l'islam. Toute personne qui rentre dans telle caractéristique, ils vont dire que c'est un musulman. Alors, des fois, c'est un kafir. C'est un zindiq. C'est un murtad. Ils vont dire que c'est un musulman. Parce qu'il s'appelle un tel, comme on l'a expliqué, parce qu'il ne mange pas de porc, ou parce que certains portent la main de Fatma autour du cou, ou parce qu'il porte tel vêtement, ou parce qu'il fait Ramadan, ou parce qu'au Eid il égorge des moutons, des choses qui sont pas des choses qui sont liées au fondement de la foi. Des choses que même un mécréant peut faire. Et vous me dire pareil pour un juif, comme il s'appelle tel, il vient de telle famille, il a telle apparence, son père c'est un juif, son père c'est un rabbin, on dit, non, mais est-ce que lui il suit? Donc là on parle du juif-juif, d'accord? À bien comprendre la chose. Parmi des gens qui se disent juifs, t'en as, ils vont se dire, je suis athée, je crois pas en Dieu. J'en ai connu personnellement des gens d'appartenance, affiliation juive, il dit, moi je suis athée. Donc lui, c'est plus un juif à ce moment-là. Ce n'est plus un juif. Voilà, Moustahan. Thumma qala fi suwail al-tayyib. At-tasi wa tis'in. 99e question. Kam ar-rahma lati khalaqaha Allah. Donc la miséricorde qu'Allah a créée, de combien de niveaux est-elle? On parle bien de la rahma créée, parce que la rahma est de deux catégories. Celle qui est un attribut d'Allah, azawajel, donc celle-ci n'est pas créée. Et celle que Allah a créée et qu'il a mis dans sa création. Qala miyat rahma, sans miséricorde. Sans miséricorde. Thumma qala fi soul al-mi'a, centième question. Kam wada'a fil ard minha, combien a-t-il mis de cette miséricorde sur terre? Parmi ces 100 miséricordes. Qala, déjà fi hadith Abi Huraira. Afwan, il a mis une seule. Parmi ses 100, il en a mis une seule sur terre. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ja'ala Allah ar-rahmata 100 juz famsaka 99 wa nzala fil ard juz'an wahida famin dhalika al-juz tataraham al-khala'iq hatta tarfa' al-dabbatu hafiraha 'an waladiha khashiyatan an tusibahu muttafaqun alayh. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a créé 100, yani qu'il a divisé plutôt la miséricorde en 100 parties. Il en a retenu 99, il en a mis une sur terre, une seule sur terre. Et celle que l'on voit sur terre comme miséricorde, que l'on voit entre les créatures, entre elles, entre la mère et son enfant, entre les amis, entre eux, les proches. Regardez la grandeur que celle-là elle a. Regardez une mère avec son enfant, par exemple. Eh bien, Allah Azzawajal, on a gardé 99 de celles-ci auprès de lui au Melkiyama pour nous pardonner. C'est-à-dire qu'Allah nous aime encore plus que ce qu'on pourrait voir comme amour entre la création. Allahu Akbar. ثم قال في السؤال الواحد بعد المئة centième question أيهما سبق رحمة الله أو رحمة الله أم عذابه. Quel est lequel des attributs a devancé l'autre parmi les attributs d'Allah, est-ce la miséricorde ou bien la colère, lequel vient en premier? قال في الجواب رحمته سبقت غضبه, ou sa miséricorde a devancé sa colère. Et parmi les sifat d'Allah, la colère. comme sourate al-Fatiha, ghayril maghdoubi alayhim waladh-dhallin. La colère est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la preuve, c'est le hadith de Abu Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Lamma khalaqa Allahu al-khalq, kataba fi kitabihi wa huwa 'indahu fawqa al-'arsh, inna rahmati taghlibu ghadabi." Que lorsque Allah a créé la création, il écrit dans son livre qui est au-dessus de qui avait auprès de lui au-dessus du trône, il a dit que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Ou le hadith muttafaqun alayh. Et de ce hadith là, des ulama ont déduit que les attributs d'Allah azza wa jalla, certains sont meilleurs que d'autres. Tout comme dans le Coran, certaines sourates sont meilleures que d'autres et certains versets sont meilleurs que d'autres. La meilleure des sourates dans le Coran, quelle est-elle? Al-Fatiha. Al-Fatiha. Le meilleur des versets, Ayat al-Kursi. Le verset du marchepied. Si on pourrait traduire comme ça. Là où Allah Azza wa Jalla pose ses pieds. Et non pas le trône. Al-Kursi, ça a été mal. Ce qui est traduit par le trône, c'est une erreur. Le trône, c'est le arche. Mais le Kursi, ou Amoudou, comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhu. Hada. Fabi hada kod naktafi. Walhamdulillah bin alamin.